The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bienvenue, welcome for this very special Bonjour Minnesota on this New Year's Eve. It's a pre-recorded show, but with new songs and very uplifting songs for the most part, so you're probably gonna tap your foot on it. First, we're gonna start with Danny Briand, who got very popular in the 90s and kept going. And the name of the song is C'est bon de se retrouver, from his album 70s. It's nice to see each other again. Then we're going to listen to Charles Aznavour with Les Comédiens and Calogero with Paris qu'on s'aime encore, featuring Ibrahim Malouf. Vous m'avez tellement manqué, j'ai retrouvé ma gaieté, pouvoir enfin se parler. Sans se montrer ses papiers, ce cauchemar est terminé. Quelle joie de vous retrouver. Ça y est, tout est arrangé. On va pouvoir s'amuser et enfin se démasquer. Les lumières sont bien placées. Le spectacle va de se retrouver. Deux années enfermées, sans bouger, sans toucher, c'est fini les soucis, car la vraie vie nous sourit. D'un coup tout s'est arrêté, j'avoue que j'étais inquiet, surtout pour votre santé. On peut enfin respirer, retrouver la liberté. C'est bon de se retrouver. Bonjour, vous seriez de retour. Maintenant tout va s'ouvrir, le meilleur est à venir. Enfin on peut s'embrasser. Quelle joie de te retrouver. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.

It was Karen Cheryl with Les Nouveaux Romantiques, then Chimène Badi with Noir C'est Noir, featuring Joby Smith, and Bon Entendeur with Fio Maravilla by Nicoletta. Join us for the second annual Wave Project radio show to hear about the health benefits and mechanics of cold water dipping. Hear from the larger Twin Cities dipping community, representatives dippers from Lake Harriet, Cedar Lake, Lake Johanna, and Lake Nokomis will share their origin stories and the unique aspects of their preferred lake. Curious to learn the whys and hows of cold water submersion? Join this lively discussion of dipping veterans and novices. Start your new year with encouragement, guidance, and fellowship of dipping in a frozen lake near you. All right, stop. The Wave Project, Sunday mornings, 10 a.m. on KFAI. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to another song from Bon Entendeur, another remix of an older song. Baby, c'est vous, Baby, it's you, featuring Sylvie Vartan. Then Camp Claude with Te faire danser, Make you dance, and Magenta Club, 1000 times, or 1000 fois. Dans mes rêves, tu viens me voir. demandais que ça, c'est les papillons et toi. Et maintenant que t'es là, je veux danser avec toi. Oui, je n'attendais que ça, c'est les papillons et toi. Et maintenant que t'es là, je suis venu juste pour toi. Je suis venu te faire danser. Te faire danser. Tu regardais tout autour. Tu regardais tout autour. T'avais l'air intéressé. T'avais l'air intéressé. On dirait que tu t'es perdu. On dirait que tu t'es perdu. Et puis tu fais demi-tour. Suis le mouvement, comment c'est ton nom? Viens danser sur la musique, comment c'est ton nom? C'est pas facile, non, comment c'est ton nom? Mais faut danser fois mille. Comment c'est ton nom? Viens, suis le mot. It was Bon Entendeur with Baby C'est Vous, featuring Sylvie Vartan. Then Camp Claude with Te Faire Danser. And Magenta Club with Mille Fois. Now we're going to listen to Clarica with Tesla. Then two songs from Amadou and Mariam. The first one is La Vie est Belle, Life is Beautiful. And the second one is Set, featuring Blondish. And they are both from their album La Vie est Belle. Ne me tente pas. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Wine est sur chai, je le fais sans toi. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Got the windows tinted in my video. And your girlfriend, she wants a cameo. And I know you wanna pull out to my show. I ain't playing games with any money more, yeah. And if I put it on you, can you keep composure? At the after party, I think I can sober. And if you ain't got what I want, then don't approach us. If I bug it, don't be acting like I know you. Ne me tente pas. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Ouais mais sur chai, je le fais sans toi. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Ne me tente pas. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Ouais mais sur chai, je le fais sans toi. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. I put me in the hot seat, he don't know about me. He got me the taxi, but he ordered you a taxi. Money in the backseat, don't even wanna crash me. So many in the self-drive, why they try to catch me? I'm getting money and I get it overseas. I can't pass with the fashion of the quick. Saying when I met you in my competition. I switching numbers like I switching currency. I'm with the girls and you know I'm with the ends. And the boys on my body going friends. I'm on fire, don't you know I got the mess. I can't explain where I'm at, just understand it. Ne me tente pas. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. When you search chai, je le fais sans toi. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. Ne me tente pas. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. When you search chai, je le fais sans toi. Avant de demander quoi que ce soit, ouais ma Tesla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. It was Clarica with Tesla, then two songs from Amadou El Mariam, La Vie est Belle, and Set featuring Blondish. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. It's time again for the Conversational Minnesotan, KFAI's guide to help holiday travelers fit in. Today, Ope is a multi-purpose interjection with several possible meanings. It may be intended as a friendly warning of possible physical contact, such as... Ope, let me just scoop by ya. Or as a minimization of a mistake. Ope, my bad. It may be thought of as the preventive singular of oops, but it can also be used to indicate discovery or acknowledgement, such as... Ope, don't forget to go to kfai.org and make a donation, don't you know? Stay tuned for more helpful tips for out-of-towners on KFAI, non-commercial, community-powered radio. Now it's going to move, and we're going to listen to Collectif Métissé, two songs. The first one is Danse. The second one is Laisse tomber des problèmes, Forget about your problems. And then one song from Étienne Dao, Les chansons de l'innocence. Dans la danse. chante la la la. On oublie ses problèmes, on oublie ses soucis, c'est sans tout est permis. La la la, c'est comme un groupe dégalé. Tout le monde connaît la Corée. Même dans la danse, fais-moi confiance. Danse, danse, danse. On veut voir tout le monde danser. Oh hey, oh, oh hey, oh. Tout le monde danser. Oh hey, oh. On veut voir tout le monde danser. Todo el mundo baila, todo el mundo danza. Tout le monde danser. Todo el mundo baila, todo el mundo danza. Todo el mundo danza. Oh. Was Collectif Médicé with Danse, then Laisse Tomber Tes Problèmes, and Etienne Dao with Les Chansons de l'Innocence, and it's a Jan Wagner's remix. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. As regard to the upcoming events, feel free to go on our Facebook page for Bonjour Minnesota and look at the events. And we typically save as the events that are interesting or connected to the French community. Here are a couple of events I wanted to talk about. So on Saturday, January 4th, between 7:30 and 11 p.m., Ramblers and Aces Cajun doubleheader at the Eagles Club. It's located 2507 East 25th Street in Minneapolis, Minnesota, and you can get more information on our Facebook page. It's going to be a special event with the New Riverside Ramblers, and they will be joined by Black Miller and the Old Fashioned Aces. Grab your dancing shoes and come out. There's going to be a small cover charge. Then, on Monday, January 6th at 1 p.m., there's going to be making a galette des rois, and it's going to be at the Alliance Française. During this 2.5-hour workshop, Aurélie will demonstrate the technique for making this traditional dessert. A galette des rois is generally made of two puff pastries and filled with almond cream. It's eaten in France during the month of January and celebrates Epiphany. Each participant will get hands-on experience, making their own small galette to bring home and bake. This class will take place in English. I don't see a cost, but you should check at afmsp.org. Now, we're going to listen to another song of Collectif Métissé called Viva la Fiesta. Then another Etienne Dao with L'Étrangère, Angela's Vision. And Zao de Sagazan with Au Travers. For the exile of the radiant shield.

se dit, oh oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon douce risque de vie, oh oui, mais non, Dieu m'a dit que c'est bon. Sans toi, mon corps sous-existe. Quand il meurt, allongé sur le bord, l'amour en bouffe le bord. Plus jamais bon, amour, le loup c'est ton nom. Le loup c'est ton nom. Le loup c'est ton nom. Malfaiteur plus qu'à droit, tu sais les désarmer. Mais un jour croqueur, c'est toi qui seras croqué. Le patate quand on se resserre. Le fil en a mis le revolver. Et un jour le peur, une balle en plein cœur. Tu auras peur, en quart de braqueur. T'attraperas des sueurs. Il m'a mis le revolver. Et un jour le peur, une balle en plein cœur. Tu auras peur. Prends garde coureur. T'attraperas des sueurs. Une belle en plein cœur. Une belle en plein cœur. Tu auras peur. Prends garde coureur. T'attraperas des sueurs. Une belle en plein cœur. It was Jennifer with Tournez Ma Page, then Mylène Farmer with Oui Mais Non, and Isa Austin with Croqueur. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to two songs from Dopamune. Chat dans la nuit is the first one, featuring Romain Muller. And the second one is Par hasard, featuring Francesca Blanchard. And these two songs are from the soundtrack of Emily in Paris, season 4. And then the last one is going to be MC Solar with Il Danse. They are dancing. Je si par hasard, tu sors, tu m'embrasses? Et si par hasard? À coup des pommes hôtels. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, j'te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. La tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent, pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent, sur champ de résistance. La danse de l'appui pour amener l'abondance. Ils dansent. It was Dopamoon with Chat dans la nuit, featuring Romain Muller. Then another Dopamoon with Par hasard, featuring Francesca Blanchard. And MC Solar with Il danse. At KFAI, we know the difference between tactical and tactile. KFAI is flexible, versatile, and fluent in multiple genres. It covers world music like no commercial station can. Program hosts strategically map out their shows by hand, giving them an advantage over automated, algorithm-generated playlists. Tactical. KFAI is tactile because it's a safe space. It gives me the feels when I listen to how much the program hosts care about their shows and how much they appreciate the listeners and everyone that donates at KFAI.org. KFAI is a perfect blend of safe and secure because KFAI is non-commercial, community-powered, tactically tactile radio. Do you need a hug? You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Cleo with L'Imbécile, the imbecile, then Kenji Girac with Chiribi, and Françoise Fabian with Tant que je n'y pense pas, as long as I don't think about it. Oh, je rentre un peu tard, un peu plus qu'hier soir, un peu ce matin, et je veux les peut-être, mais j'ai pas fait la fête, j'ai juste traîné. J'étais bien dehors. J'ai croisé d'ailleurs un type avec qui j'ai parlé, j'ai ri, j'ai regardé Paris et la nuit tombée. Pardon, oh je sais j'ai fait l'imbécile et tu n'étais pas là. Au fond, je n'ai fait que regarder la ville avec un autre que toi. On n'a pas vu passer, la nuit s'est envolée en claquant des doigts. On a bu des verres et flâné de travers, ici et là. Il a presque rien dit, j'ai presque rien compris, j'ai pas fait exprès. Était-ce une absence, un soudain manque de chance? Je saurai jamais. Pardon, oh je sais j'ai fait l'imbécile et tu n'étais pas là. Au fond, je n'ai fait que regarder la ville avec un autre que toi. Toujours est-il qu'à regarder la ville, nous avons fini par nous faire un bisou. Trois fois rien du tout, une toute petite nuit. Je me suis trompée de bonhomme, tous les chemins mènent à Rome, et me revoilà. D'ailleurs, ne t'en fais pas, tu n'as qu'à faire comme moi, je l'oublie déjà. Pardon, oh je sais, j'ai fait l'imbécile et tu n'étais pas là. Je l'oublie déjà. Au fond, je ne fais que regarder la ville avec un autre que toi. Je l'oublie déjà. Pardon, je ne fais que regarder la ville et tu n'étais pas là. Je l'oublie déjà. Au fond, oh, je sais, j'ai fait l'imbécile avec un autre que toi. Je l'oublie déjà. Pardon, je ne fais que regarder la ville et tu n'étais pas là. Je fais l'imbécile avec un autre que toi. Je l'oublie déjà. pleut une foule d'adieux sous un soleil radieux. On se parle en silence, deuil ou indifférence. Aucun oiseau dehors, notre amour est donc mort, emporté par l'aurore. On dirait bien qu'il dort. Et ton cœur sans mon cœur, puisque je n'y pense plus, n'est plus un film d'horreur, des souffrances éperdues. Et ta peau sans ma peau, tant que je n'y pense pas, est un lointain sanglot que j'évite à chaque pas. Ton absence boit un verre à la terrasse d'hier, pendant que fanent les fleurs l'oubli des plus belles heures. Derrière nous les baisers, la vie que l'on avait, ce grand rêve imparfait, sous le marbre des revers. Et ton cœur sans mon cœur, puisque je n'y pense plus, n'est plus un film d'horreur, les souffrances éperdues. Et ta peau sans ma peau, tant que je n'y pense pas, est un lointain sanglot que j'évite à chaque pas. On ne s'aime plus, tant que je n'y pense pas. Toi-même, tu n'y penses plus, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Tant que je n'y pense plus. Tant que je n'y pense pas. It was Cleo with L'Imbécile, then Kenji Girac with Chérie, and Françoise Fabian with Tant que je n'y pense pas. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Games with Loco, featuring Losa, then Manu Chao with Tom y Lola from his latest album Viva Tu, and with Attack live in 2023 with Les Nuits Parisiennes, the Parisian Nights. Amitié, fausse, ouais, ça rend loco, loco. Tout ce temps caché, ouais, ça rend loco, loco. Tout ça pour rien, ouais, ça rend loco, loco. Tout ça pour rien, ouais, ça rend loco, loco. Sur la faute, les jaloux sur mes côtes. Dis-moi, on y va si tu me voles. Oh oh, moco, là j'ai senti mon moco. Mon voyage sur la côte, bébé, j'paye le prix s'il le faut. Oh, s'il le faut pour toi. T'auras Chanel, Coco, diamant en 5 mois, c'est fait. T'auras le même sur ton doigt. Amitié, fausse, ouais, ça rend loco, loco. Tout ce temps caché, ouais, ça rend loco. Sur un grand écart avec un visu insolite. J'suis dans un building en face de Bill Gates avec des logos maçonniques. On enchaîne les insomnies, j'atteins vitesse supersonique. 10 points sur le contrat, cancer au Qatar. Suis-moi si t'as l'air insolide. Mets de la gasolina, vivre ou survivre. Ici c'est Varsovie. Amitié, fausse, ouais, ça rend le coloco. Tout ce temps caché, ouais, ça rend le coloco. Tout ça pour rien. l'effusion dans la nuit. Soyez tes bons demi-lits, oh, tes bons demi-lits. Il est 10h et les enfants jouent dans la cour. Sur les gravats de notre amour, Ravaillaka, tu es venu sur un air de corrida. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéma, c'est le cinéma. Tom a rencontré Lola sous un petit bouquet de lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Chanteur à la peau dure, lourd comme un cheval mort. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéma, c'est le cinéma. Tom a embrassé Lola à la porte des lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la. Petit trou du poinçonneur, petit tour et puis s'en va. Tom et Lola, c'est fini, depuis que Tom est parti. Sur le vélo à Lola, devant la mairie des lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la la. Petit bouquet de lilas. Tom et Lola, la la la la la. Chop, chop, Ravaillaka, tu es venu sur un air de corrida. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéma, c'est le cinéma. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la la. Petit bouquet de lilas. Tom et Lola, la la la la la. À la porte des lilas. Tom et Lola, la la la la la. C'est parti, je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais. On est au sentiment. Commencez par voir si l'amour bat son plein et si le sien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un balcon. Brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Ah, je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Et t'emmener où t'allais pas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui ou bien tout ça, si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence. Je voudrais savoir pour ce soir. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées valenciennes. Nous on vit toujours des soirées parisiennes. On voudrait vivre des soirées brésiliennes. Aïe aïe aïe aïe aïe. Paris les mains en l'air. Parisienne, on voudrait vivre des soirées brésiliennes. was Gims with Loco featuring Losa, then Manu Chao with Tom et Lola, and Louise Attaque with Les Nuits Parisiennes. And it's alive. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Junior with Le Silence. It's from their latest album, 3-2-1. Then Johnny Montreuil with 5 minutes, featuring Barbaz from their latest album, Zanzibar. And the band Gwendoline with the song called Clubs. And it's from their album, C'est à moi ça. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand nos vies décidentes qui ne désemplit pas, à force de prudence, ça risque de jeter un froid. J'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance. Quand je suis ici et toi là-bas, il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence tu crois? Elle est chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence. Quand je suis ici et toi là-bas, que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je le dis tout en nuance. Quand je suis ici et toi là-bas, il y a des chances que tu penses à moi, tu penses à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi, tu penses à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi, tu penses à toi. Mes potes, à leur bon souvenir quand on se taillait des shorts, à leur visage si doux devant ma porte. Aujourd'hui condamné, oh, mes amours sont mortes. Je suis sorti 5 minutes pour sentir le vent frais, caresser mon visage, balayer mes regrets, pour qu'ils me disent alors ce qui nous arriverait si tous ces gros affreux enfin disparaissaient. Je suis sorti 5 minutes, les rues étaient désertes. Certains disent que c'est bien, moi je trouve ça infect. Hurler sur mes voisins, leur prendre un peu la tête, ça faisait même du bien, mais c'est fini la fête. J'suis sorti 5 minutes, comme ça sans me cacher, par églo à l'air libre, sans leur maudit papier. Mon petit sur les épaules, l'entendre se marrer, la regarder courir, se cogner, se vautrer. juste pour reprendre la route, pour faire enfin du bitume sans retour, rien à foutre. Mettre le son à fond, sans me soucier de personne, leur faire un petit concert sans attendre l'automne. J'ai sorti 5 minutes, une bibine dans les poils, juste pour les occuper, pour ne pas qu'elles cueillent. Qu'elles se sentent plus légères, qu'elles ne soient plus en rogne, contre leur folie meurtrière et si conne. J'ai sorti 5 minutes, je te jure monsieur l'agent, tu peux manger ta prune ou on n'a plus d'argent. Réfléchis 5 minutes, regarde où vient le vent, c'est François Camin, choisis bien ton camp. J'ai vu ces pauvres gens coincés à leur balcon, qui tapaient dans les mains, peignaient sur leur poulon. Moi je ne vois que la race qui coule sur leur front. Cette rage 5 minutes éclatera au grand jour. Quand on pourra sortir, ils crieront au secours. Ils pourront plus s'enfuir, on sera déjà dans leur cour. Une vague défaire leur assure, leurs âmes de trop court. 5 minutes redeviendront, alors comme avant, rien du tout et peut-être on courra tout autant. Mais on refera l'amour et eux se souviendront qu'ils ne sont que bandits, qu'ils sont la perdition. Chez moi, te fonce des tout gros qui pèlent un chat aux abois, me frottant sur les murs, me collant contre toi, et ça perd dans ma tête. Mais tout disparaissait. S'organiser des vacances dans des clubs de connards et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar. Prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. S'organiser des vacances dans des clubs de connards et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar. Prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. It was Junior with The Silence, The Silence, Johnny Montreuil with 5 Minutes featuring Barbaz, and Gwendoline with Clubs. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Now we're going to listen to Gatien with Une Longue Journée de Travail, A Long Day of Work, featuring Suzanne Bellaube, then Aya Nakamura with Doggy, and Lacrime with Non Lo Sé. Yeah. sinon tu paieras la cuenta. Non, joue pas les restes, ce soir fais la fiesta. Tu m'as l'air ok, bon, je reprends les manettes. Je serai toujours au pays, j'ai le cadeau, t'inquiète. J'ai fait le taf, taf, j'suis en plus, plus. Oh, oh my god, ouais, j'ai jobé, on dirait qu'il peut d'être. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'y connais même pas. Tu veux dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, né. Dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, né. Tu veux dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, né. Dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, dougi, né. Pas besoin de me valider, je fais la une des magazines. Rien que ça kouma, kouma, kouma. J'suis peu dead, il en abuse, moi je craque. Ça c'est kouma, kouma, kouma. J'ai les restes en calme. J'ai les restes en calme. Quand je vous attends. Quand je vous attends. Il les restes en calme. Quand je m'y prends calme. Quand je m'y prends comme ça. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'les connais même pas. Moi j'les connais même pas. Moi j'les connais même pas. Tu veux dougi dougi dougi dougi dougi dougi. Savoir. Demain je disparais. Moi non plus. Miami, dans mon dîner, je pars en Italie de la nuit. Je vois des formes, la lumière est tamisée. Il ne faut pas mettre de sentiments si on commence à jouer. On pourrait se tuer par amour, c'est la vie d'un Kidbo. Et la plupart c'est des mythos. Oui, des fois je suis qu'un petit con qui porte la peau de piton. Avant midi je dois la quitter. Quitter. Et je dois le faire absolument. Je te l'avais dit, mon cœur est miné. Miné. Je t'ai protégé absolument. De savoir. Demain je disparais. Moi non plus. Je t'évite, quand le soir je suis seul c'est pénible. Dans le livre là le dégât c'est terrible. Elle veut plus voudrait que je me livre. Que je la believe, que je la délivre. Même dans tes mimiques tu m'imites.